je crois lire aujourd'hui, puisque tu m'as menti, c'est fini. Mais pour tes yeux bleus, je veux oublier que tu mens pour trouver comme avant. D'un bonheur à jamais gardé dans notre cœur, seul espoir, un soir revoir rien que tes yeux bleus, paradis. Je veux oublier que tu mens pour trouver comme avant.